on est pas le cheat. S'il te plaît, les amis, moi une table dans le carré vide. Y'a trop de monde, on fait la toffe, faut se barrer vite. Elle veut la photo, elle veut la loco, elle veut le liquide. Elle veut la photo, elle veut la loco, elle veut le liquide. Ce soir, je suis bien, on est calibré, on est en équipe. En équipe, en équipe, en équipe. Je suis pas venu seul, on est tous montés en équipe. On va tout péter, ça va rafaler. En équipe, en équipe, en équipe, en équipe. On est sur la scène, on met le bordel. En équipe, en équipe, en équipe, en équipe. Je suis défoncé à étranger, je suis mal équipe. Oh le frangin, viens me récup, je dois faire un clip. J'ai trop piaf, j'ai trop fumé, j'ai fait une cuite. Je connais que le début de mon couplet, j'ai pas la suite. Elle fait trop la fraîche, elle fait trop la bonne, en vrai elle est cuite. Ce soir je suis bien, on est calibré, on est en équipe. En équipe, en équipe, en équipe. On bouge en showcase ou à l'étranger, ouais en équipe. On va tout péter, ça va rafaler. En équipe, en équipe. J'oublie pas qu'on est en équipe. En équipe, en équipe, en équipe. On va tout péter, ça va rafaler.